et que la vue m'emporte au large de nos années. Je veux t'enlacer encore et de nos bras serrés raviver les couleurs de nos jours. Cette attente qui m'achève sans indulgence. Et si tout reste à faire, que le temps nous dévore, quand notre histoire en poussière se meurt. Oh, laisse-moi rien qu'une fois illuminer nos trésors, ces choses qui font toi et moi.